بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجين أم أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. دوك أنا في بعض الدرس التاسع. C'était quoi la leçon, la tournée autour de النعت وكذلك كذلك الصفة التي تنتهي بزيادة ألف والنون. C'était donc le qualificatif qui se finit avec un ajout ألف et نون. On avait dit sa particularité c'est qu'il ne prend pas de تنوين. Et on a vu النعت. Qui c'est qui peut nous rappeler qu'est-ce que c'est le نعت? C'est le qualifiant qui vient après le qualifié. Pourquoi apporter un surplus sur ses caractéristiques, sur sa nature, et c'est le fadla. C'est-à-dire qu'il peut être, c'est un suppléant, il peut être supprimé. Si tu le supprimes, ça n'a pas d'importance et de conséquence sur le sens de la phrase. Hadha huwa an-na'at. Mathalan, si on prend at-tufahu fakihatun ladhida. Si je venais à supprimer ladhida, qui est le qualifiant du fruit, fakiha, si tu venais à le supprimer, ça n'a aucune conséquence sur le sens de la phrase. At-tufahu fakiha. On avait dit aussi comme quoi que ça s'accorde aussi en genre. Ça c'est bien, là on était dans la définition, ça c'est le hakm. C'est-à-dire que le hukm, comme tu viens de le dire, c'est que as-sifa, ou plutôt le na'at, an-na'at c'est celui qui vient après le qualifiant, le qualifié. Le qualifié, tu l'appelles dans la langue arabe al-man'out. An-na'at c'est celui qui qualifie, ou al-man'out c'est celui qui est qualifié. Yani ils disent an-na'at, il doit suivre le man'out, c'est-à-dire celui qui l'a qualifié, celui qui est avant lui. Sur Yanni, il le suit dans toutes les choses. Si le man'ut il est défini, le na'at est défini. Si il est indéfini, le na'at il sera indéfini. Si jamais il est féminin, il sera féminin. Masculin, il sera masculin. Pluriel, pluriel. Duel, duel. Singulier, singulier. Yanni, on va revenir sur quelques exemples. Tu dis Anta talibun jadidun. Là, tu as deux caractères. Tu as deux, comment ça s'appelle, sifa, information. Tu as talib et jadid. Si jamais, maintenant, tu as un doute entre le mubtada et le khabar. Nous, on sait déjà entre le khabar et le sifa, le na'at. On sait déjà, le mubtada, le khabar, il vient après le mubtada, ghaliban. C'est sa place, tamam. Il est dans la chronologie des choses, mubtada, khabar. Déjà, on a un indice que talib, c'est un khabar. Pourquoi? Parce qu'il vient juste après. Tu as un chèque. Tu dis peut-être que c'est pas lui, et l'autre, c'est talib, c'est na'at, et l'autre, à la kulli hal. Enlève le dernier des deux, et tu vas trouver que si jamais ça apporte une conséquence sur la phrase, une cause, il y en a qui fait que ça change le sens, khalas. Tu peux être sûr que jadid, c'était le khabar. Parce que ça, si jamais ça change le sens de la phrase ou bien elle devient incomplète, khalas. Tu sais, parce que le khabar, c'est une chose qui complète la phrase. Donc à partir du moment où il enlevé. C'est pas le khabar. Ah ben justement, c'est pour ça. C'est-à-dire que si jamais on aurait enlevé jadid, et que ça aurait fait. À un moment, t'as dit, tu sais que jadid, c'est le khabar. Eh ouais, si jamais yani, tu l'enlèves, jadid, et ça apporte yani, un sens incomplet à la phrase. Ça c'est si jamais on suppose, on essaie de supposer. Mais c'est pas le cas dans ce cas-là, tu vois. Si on venait à supposer que jadid, on enlève la anta talibun jadid et que ça ramène un sens incomplet à la phrase, tu peux être sûr que c'est le khabar. Pourquoi? Parce que le khabar, si jamais il est supprimé, ça va donner un sens incomplet à la phrase. Donc là, si on enlève jadid, anta talibun, la phrase elle est complète. Donc tu peux être sûr que jadid c'est une information supplémentaire. Si tu enlèves, ça n'a pas de conséquence. Donc tu peux être sûr déjà que celui-là c'est pas un khabar, mais c'est quoi? C'est un sifa. Na'at, c'est un na'at. Et c'est le na'at de quoi? De talib. Il a apporté que ce talib qui est un étudiant, ce n'est pas un ancien, mais c'est un nouveau. Anta talibun jadidun. Tu es un nouveau étudiant. Tiens, on va faire un exercice, c'est l'exercice numéro 3. À l'oral, vite fait, comme ça, pour tester un peu la compréhension. Il nous dit « Dah fil makan al-khali » Donc, place, il est dans l'espace vacant. « Fil jumal al-atiya man'outan munasiban » Le 3, le 3. « Dah fil al-makan al-khali » dans l'endroit vacant. « Fil jumal al-atiya » dans les phrases qui vont suivre là. « Man'outan munasiban » Un adjectif qualificatif qui est approprié. Donc le premier, vas-y, en bref. Al-arabiyatu, sans S. Si tu peux apporter un autre mot qu'on n'a pas vu dans le texte, c'est bien. C'est mieux. Al-arabiyyah. Al-arabiyyata. Arabiyyatu. Pourquoi l'arabiyyatu? Parce que c'est le mot. والمبتدا دائما مرفوع numéro 4 3 العربيه العربيه تي تروفان نوتمون سهل sinon le même mot qui est dans le texte vas-y العربيه لغه سهله العربية العربية اللغة لا لا لا لغة لغة لغة سك هذا تم خدام نيكو هذا لغة سهلة لغة لغة سهلة ليش لغة اي pourquoi pas لغة اي il est féminin لغة pourquoi tu dis ouais لغة pourquoi tu dis pas لغة عائشة non parce que là c'est pas un prénom déjà c'est un nom propre plutôt hein et en même temps c'est féminin. Mais non, le féminin, c'est pas. C'est juste quand c'est un nom propre que ça prend pas le terminus. Nom propre, il est féminin. Nom propre, non. Ama, les noms communs qui sont féminins, Bakaratun, Louratun, Fakihatun. Juste pour tester ta compréhension. Par rapport, on avait dit que c'était pas. C'est un féminin, t'as l'obdrique et. Ada, Louratun, c'est l'obdrique ou ma'ana? L'obdrique, oui. Ma'ana, oui. La langue, c'est féminin. Oui. Il est le mubtada, il est le khabar, il est le man'ut. Il est le na'at. Le mubtada al-arabiyyah. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il vient apporter l'information que l'arabe c'est une langue. L'arabe est une langue. Épithète et attribut. Sahlatun. Sahlatun huwa na'at. Et le man'ut? Man'ut huwa na'at. Non, il ne peut pas être qualifié et qualifiant. Ah, fun. Ma fahimta as-su'al. Ma fahimta as-su'al. ما فهمت أو ما فهمت أنت تقول سكن تسلم يدي من سك من سك شو اسمه سكون الأفعى يجوز خصوبه دل دل هذا الخطأ اللغة العربية لغة سهلة tu sais que t'auras pas on pourra pas te reprocher تام المنعوت c'est المنعوت on a dit c'est le qualifiant c'est le qualifiant non le qualifié Qualifié, c'est le loratoun. Donc c'est le man'out. Ou le sahla, c'est l'accessif qualificatif. Donc c'est le qualifié, c'est le na'at. Non, c'est le qualifiant, Rafa. Vas-y, Baden. Anna. Tajirun Qadim. Ta. Tajirun Qadim. Qadim. C'est quoi Anna, c'est quoi Tajir, c'est quoi Qadim? Anna, c'est le mubtada. Limada. C'est en début de phrase, il est ma'rif. C'est quoi le dalil qui est ma'rif? Le anna, le... Ah, c'est anna, c'est... Comment tu dis qu'Ana il est ma'arifa? Je peux dire qu'il est indéfini. Il est nakira. Toi tu dis qu'il est ma'arifa, moi je dis qu'il est nakira. C'est quoi le dalil entre qui nous... qui vient trancher entre nous deux? C'est un pronom personnel. Ad-damir et le damir, ça fait partie des choses qui sont définies. C'est le deuxième qui qualifie le plus après. Après quoi? Allah. Après la Zaljalala. Ama, eux, dans les livres de grammaire, ils ne mettent pas la Zaljalala. Ils disent c'est une chose qui est connue. C'est ma'ruf indana, c'est pour ça qu'on n'a pas mis. Mais il dit les choses que les gens ils ignorent, c'est que le plus haut degré de ma'rifa, ba'dallah Zaljalala, c'est damir. Le pronom personnel. Et surtout, le pronom personnel qui est utilisé pour locuteur, ceux qui parlent. Ana ou nahna. Donc c'est un damir, il est ma'rifa parce que c'est un damir. Et damir, ils sont. Font partie des choses qui sont définies. Tajir? Tajirun, huwa khabar. Imaza? Parce que. Déjà, tu peux pas l'enlever de la phrase. Ana qadimun. Ouais. Ah, il vient juste après, c'est tout ça. Il vient après et c'est lui qui apporte l'information. Voilà, il n'a pas dit je suis ancien. Dans la phrase, il vient te dire, il vient t'apporter awwalan, la première chose, c'est quoi? C'est que c'est un commerçant. Ana tajirun. Qadimun, hadithun, la qadimun. C'est une information en plus. Mais c'est un tajir. Qadimun, c'est nahd. Ammar, vas-y, troisième. Ammarun. Ammarun. Il ne ramène pas l'exemple de l'armée, s'il n'a pas à tajir. Non, non, j'ai dit, mais qui ne ramène pas à tajir, parce que tu l'as déjà dit. Ah ouais, non, il faut varier. Ammarun, mais étudiant, mais docteur, mais. Muhandisun, Rani. C'est quoi Rani? Rani, c'est riche. C'est quoi, je veux dire, non? Ah, c'est Naat. Naat. Ammar, Ammar, Ammar. Vas-y, pardon. Rani, il y en a Yetba. Yetba al-Manat. Parce que si jamais Rani serait le na'at de Ammar, il aurait dit Ammaru Tajirun al-Rani. Al-Rani. Parce que al-Rani il est défini là, par al. C'est-à-dire que c'est impossible qu'il aurait, il serait venu pour définir quoi ça veut dire quoi, Mohandis? Ah, tu peux pas? Mais quand je te dis ça là. Ammarun Mohan. Ammar Mohandisun Rani. Ah, il n'y a pas le tampon. T'as pas un mouchoir? Ah non, j'ai pas ça. Ah si, si, j'ai. T'as, attends, juste on fait l'exercice, l'exemple. T'as Ammarun. Si jamais j'aurais dit, plutôt c'était ça, vu que le Shahid, il aurait dit Al-Rani. T'as Ammarun Mohandisun, Mohandisun Al-Rani. Al-Rani. Al-Rani. J'ai dit n'importe quoi. Al-Rani. Dans cette phrase-là, il le mutada, il le khabar, il le na'at. Bou Ammar, ça c'est le mutada. Non. Rani, c'est le khabar. Le khabar? C'est-à-dire que le khabar, c'est-à-dire que si jamais tu as cette information-là, tu peux te passer de celle-là, ça? C'est ça le khabar, la fonction du khabar, ça? Ammar, le riche. Ouais, mais ça passe quand même, tu vois. Ça passe pas. Viens, je t'avais ta porte, je dis Ammar, le riche, ça me dire, ouais. Ah, pardon? Ouais, c'est pas ça. Ammarun al-Ghani. C'est bien, quelque chose. Le na'at, ça c'est na'at. Ah, faut laisser moi réfléchir, je vais pas faire. Parce que là, t'as juste défini. Moi, je pense qu'il reste quand même na'at. Il est na'at. Lakin, de qui? Il est na'at de qui? De Ammar. De qui? De Ammar. De Ammar. Pourquoi? Parce que. Je dirais que lui. Il est défini. Parce que Ammar, c'est quoi? C'est un pronom, c'est un nom commun. C'est un nom personnel. Un nom commun, déjà? Nom propre. C'est un nom. Les noms propres, comme on a dit, c'est des noms qui sont définis. Ouais. Donc le fait que celui-là, il est défini, ouais. Comme on a dit, le na'at, il suit le men'ud. Il suit celui qui l'a qualifié dans toutes ces choses. Défini, défini. Et si jamais celui-là, là, le nahd, il aurait été, et je veux dire, l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire le nahd, il aurait qualifié celui-là le muhandis, on aurait dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le muhandis, il est nakara, il est indéfini. Et s'il le suit, t'as vu, donc il vient après. Donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire que ça, c'est pas possible qu'il soit nahd de muhandis, parce que muhandis est indéfini et lui est défini. Donc ça peut être que le nahd de celui-là. Ammar al-muhandisun al-ghani. Men'out, men'out. Men'out, c'est celui qui est qualifié. Et na' c'est le qualifié. Ba'adine, tu peux enlever le mouchoir. Fais-toi le sixième, le cinquième. C'est qui fait Ammar, c'est toi? Muhandis. On va laisser l'autre pour. Vas-y. Fais le cinquième. Le 5, on laisse le truc pour tout à l'heure. On fait le 4e. Hada qalamun maksourun. Hada qalamun maksourun. C'est un stylo, stylo est cassé. Non. Hada qalamun maksourun. مكسور c'est un stylo cassé. جيد. C'est quoi هذا? C'est quoi قلم? C'est quoi مكسور? هذا c'est le مبتدا. لماذا? Il définit قلم, tu vois. Il définit قلم. C'est le qalam qui vient apporter l'information sur la chose que tu as démontrée. Là, tu viens, quand tu dis hada, après tu portes l'information. Qalamun. Donc le qalam, il apporte l'information sur la chose que tu as démontrée. Donc sa chose que tu as démontrée, c'est l'omtada. L'information, ce qu'elle tombe sur lui. Et hada, c'est quoi? C'est l'omtada. Et qalamun, c'est. Pourquoi? C'est l'information qui tombe. Hein? Maksurun, ça c'est aussi un. C'est la sifa. C'est le na'at. Si je dis hadal qalamu maksurun. Hadal qalamu maksurun. C'est quoi hadal? C'est quoi al qalamu? C'est quoi maksurun? Attends, vous le faites partout? Hadal qalamu. Hadal qalamu. مكسور هذا القلم تتبدي هذا القلم تمام مش حاجة لأل هذا القلم مكسور اسكو القلم سي الخبر سي المبتدا وانتي المبتدا سي كي كومونس خلاص كومونس هذا القلم مكسور كما انا بدي tu veux savoir si c'est un khabar القلم qu'est-ce que tu fais directement supprime le et regarde est-ce que l'information est autour de lui non parce que est-ce que c'est lui qui apporte l'information ça donne plus de sens à la phrase enlève le قلم enlève le قلم enlève le قلم ça y est هذا مكسور ça va pas comment ça ça va pas هذا مكسور c'est ça le cassé ceci est le cassé. On fait comme s'il était cassé. Hada maksurun. Ici, cassé. Et alors? Ça porte pas d'informations, c'est pas complet. Si, si, si, si. Ah, par rapport à Hada, ça. Hada maksurun. C'est juste. C'est juste ou pas? Donc, qalam, c'est pas le khabar. Hein? T'apportes pas l'information que c'est un stylo. T'apportes l'information qu'il est cassé. Donc, ça, c'est l'autre chose que vous verrez bientôt plus tard. Il s'appelle Al-Badal, c'est celui qui remplace. Il apporte une information en plus. Parce que quand tu dis Hada, le fait que tu dis Al-Qalam, on sait que c'est pas une voiture, c'est pas Kada Kada. En gros, on sait que qu'est-ce que tu as voulu dire par Hada, c'est le Qalam. Ça remplace, on verra. C'est une autre chose, ça, que vous allez voir plus tard. Alors, vas-y, fais le dernier. Faisal avec Kislan. Alors, Faisal. فيساش فيسالي فيسالن فيسال غالب كسلان سيما كسلان Qu'est-ce que c'est? Vas-y, Mubtada. Pourquoi t'as pas dit Kaslan Anun? الألف بعد النون لا يجوز الألف الألف ثم النون لا يجوز التنون إسلام donc on lit l'exercice directement le B le petit B avant tout Kaïma Jadida c'est quoi l'aura اللغة شهير سلاب اي نعم جوست اون سورت دو ريفيزيون المدينة الطائر اليوم اليوم كون اه لا جورني كسلان جوعان Tu vas me dire même affamé. Que Johan. C'est pas Anadjaïa. J'ai faim. Là, tu dis Anadjaïa, y'en est. Imtala, botni, Johan. Achanu. Mal'anu. Mal'an. Y'ani, bilogati l'Yemenia, Malian. Malian, Malian. Ils disent lorsqu'ils disent Malian. En gros, c'est rempli. Malian, il n'y a plus de place. Mal'an. C'est Mal'an. Radban ou. Très colère. Très en colère. Al-Asfour. Donc le premier, c'était Al-Yawm. Et le deuxième, Al-Yawm. Al-Yawm ak Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. En ce jour. قال l'exercice est plutôt le texte numéro B pas le numéro B mais lettre B أين المدرس on a vu أين صح c'est quoi أين يعني l'information de la provenance اسم استفهام للمكانية pour le مكان صحيح اسم استفهام pour le مكان Fi c'est pour une chose qui englobe. Dakhal tu hada fi jaybi. Yani ta poche là enveloppée cette chose là. Tamam. Aina al mudarris? Qala huwa fi al fasl. Al fasl? La classe. La classe. Tamam. Al fasl c'est la classe. La classe yani. La classe qui figure dans les écoles. Al-faslu. Qala huwa fi al-fasli. Il est dans la classe. Ayna al-mudarrisu al-jadidu. Où est le nouveau professeur? Qala huwa 'inda al-mudiri. Il est chez le directeur, bien auprès du directeur. Donc 'inda, ça c'est une nouvelle chose. 'Inda, c'est un zarf. Naam, zarf zaman. Ça peut être zarf zaman ou zarf makan. Les deux. Parce que tu peux dire, j'ai-tu, عند الساعة السادسة. Je suis venu à 6 heures. Ça, c'est pour le temps. Et ça peut être. Ouais, j'ai-tu. Ou maintenant, tu dis, c'est أتي عند الساعة كذا كذا. Ou bien, أتيتو عند طلوع الشمس. Je suis venu au moment où le soleil se couchait. Le soleil se levait plutôt. C'est-à-dire que là, c'est pas le temps, c'est pas le lieu, mais c'est le temps. Maintenant, tu dis, وجدته عند المسجد. Je l'ai trouvé à côté du mastit. Là, c'est quoi? C'est le lieu. Donc, Inda, tu peux utiliser pourquoi? Pour le lieu et pour le temps. C'est l'équivalent de chez, non? Hein? Ouais, chez, ouais. Chez, auprès, à côté. Et t'as l'adeïa, c'est son synonyme. L'adeïa. L'adeïa, t'as même? Mais lorsque tu dis Inda, Ind, c'est une chose, il y en a que tu as, qui est auprès de toi, t'as même? Mais qui n'est pas forcément mathalam. Avec toi, en possession avec toi. Lorsque tu dis fi kada wa kada wa kada. C'est-à-dire que tu as ce livre-là en ta possession, ta main, mais cette chose-là, elle n'est pas forcément avec toi. Tu l'as chez toi. Amal, si jamais tu dis ladaïa kitabun, là, c'est que tu parles d'une chose qui est présente. Mais le mieux, c'est que tu dis ladaïa. Parce que les Arabes, ils aiment bien quoi ? Al-ikhtisas. De résumer les choses. Si jamais il y a un mot qui peut englober ce que tu viens de dire, sans faire de surplus dans la phrase, ramène-le. Ladaïa. Ladaïa, c'est pour que tu dises yani, indi ma'iya. Au lieu de dire indi ma'iya, tu dis quoi ? Ladaïa. Hamam. Tamam. Huwa 'inda al-mudir. Ayna at-talib al-jadid? Ilou na'at. Na'at. Na'at jadid. Ilou al-mubtada' ilou al-khabar. Ce qui trouve. Masha'Allah. Allahu Akbar. Ilou al-mubtada' ilou al-khabar. Vas-y. المبتدا c'est طالب Je dis à l'étudiant nouveau, je veux dire, attends, viens prendre un petit café, je crois que tu es encore endormi. Parce qu'il est défini. C'est pas comme si on avait Talibun Jadid. At-Talibul Jadid. At-Talibul Jadid. Lui l'étudiant. Non, tu montres rien. Si tu dis, At-Talibul Jadid, naam. Là, t'as pas montré un truc qui montre. T'as dit At-Talibul Jadid. Aïna, c'est le Mubtada. Aïna, c'est le Mubtada. Pourquoi ? Parce que l'information, elle tourne de quoi ? Autour de lui. T'es en train de. Yani, donner l'information, où est l'information tourne autour de la, comment dire, le lieu où se trouve quoi? At-Talib al-Jadid. Aina at-Talib al-Jadid? Qala dhahaba ila al-maktabati. Dhahaba c'est bien. Ila c'est harfujar. Non, c'est lui qui nous a dit. Le jeune homme. At-Talib al-Jadid, c'est le Mubtada. Les deux. Et Aina, les deux, ensemble. Et Aina, c'est quoi? C'est le Khabar. Parce que l'information tourne autour du Talib. Où il se trouve? Mais il a mal expliqué, c'est mal expliqué. Parce que maintenant, regarde, comment tu sais? Et ça, c'est un truc, Yanni, comme j'ai pu vous ramener, que des fois, At-Talib, Mubtada, il peut venir après le Khabar. Ça, c'est une cause. C'est-à-dire dans les phrases interrogatives. Parce que tu vas faire précéder l'information sur la chose sur laquelle tu informes. Si jamais ensuite tu réponds, toutes les choses vont revenir dans l'ordre. Aina At-Talib al-Jadid, maintenant tu vas dire, Huwa fil maktaba. Parce que ça, c'est des pronoms démonstratifs. Donc là, on peut dire qu'il y a. Parce que Huwa. Ou sinon, tu dis, At-Talib al-Jadid fil maktaba. C'est simple. Tu veux connaître le Mubtada ou Khabar dans une phrase interrogative ? Réponds à la question. Sur l'endroit que tu as répondu, fil maktaba, c'est le Khabar. Il y en a qui t'ont posé la question. Aina, At-Talib al-Jadid. Maintenant, réponds. Phrase interrogative, réponds. Huwa, At-Talib al-Jadid fil ghurfati. Donc, At-Talib al-Jadid, Mubtada. Et comme on peut voir, non. At-Talib al-Jadid, Mubtada. Ou Al-Khabar, fil maktabati. Ah ouais. Ça, c'est si la question, on n'a pas la réponse. On peut pas dire. Non, c'est obligé que tu réponds à toute question. Oui. Enfin, à partir du moment où tu sais. D'accord. Ça, c'est khas. Donc, ça veut dire dans une question, dans un truc interrogatif. Le Mubtada. Il y a deux Mubtada. Non, il n'y a pas deux Mubtada. At-Talib, c'est le Mubtada, ou Al-Jadid, c'est le Na'at. C'est le Khabar. C'est le Na'at, Al-Jadid. Complète juste l'explication. Mais ça, je te dis At-Talib ou fil ghurfa. C'est compris ou c'est compréhensible ou pas? Oui. Khalas, Al-Jadid, donc c'est suppliant. C'était Aina en fait. Parce que c'est l'information le khabar. Il n'a pas compris ce qui. Regarde, Aina, chauffe Aina Talibu al-Jadid. T'as un doute. Tu sais pas, il est où le Mubtada du khabar? Réponds à la question. At-Talibu al-Jadid, on va répondre. On peut dire quoi? Comme ça va être bien clair. At-Talibu al-Jadid, fil ghurfa. Tu veux pas dire At-Talibu? Fil ghurfa. Eh ouais. Il peut sauter, donc c'est سمعت. Il ne peut pas sauter. S'il saute, la phrase devient incomplète direct. Ah, oui, ça. Lakin, donc le Aina, il devient Khaba parce que dans la réponse, on retrouve Fi, le truc du maquette. C'est-à-dire que Aina, la chose sur laquelle on s'est interrogé, c'est l'information en vérité. Pourquoi répond, tu verras que c'est lui l'information. C'est lui le Khabar. Aina al-talibul jadid, al-talibul jadid ou indi, al-talibul jadid ou fil ghurfati. Al-talibul jadid, al-jadid, n'am al-jadid, mawjoudun. Il est là, il est présent. La chose dont tu es interrogé, tu verras que c'est ça aussi kadalika. Réponds aux questions et tu vas trouver le murtadel khabar. Donc ça, c'est une cause parmi les causes qui vont faire, comment ça s'appelle, qui vont mettre le murtadel en deuxième position et le khabar en première position. Tam qala ayna at-talibul jadid. En vérité, tu dis comme ça, ayna at-talibul jadid, parce que tu te poses une question. Dhahaba ila al-maktabati. Il est parti où? C'est-à-dire quoi, Maktaba? La bibliothèque. Ou la librairie. قال من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. C'est qui? Qui est ce? Qui est ce? Cette personne? Cet homme long, grand, qui est sorti. Qui est ce grand? Cet grand homme. Cet grand homme. Qui vient de sortir à présent, qui vient de sortir maintenant de l'école, de la classe. C'est le nouveau directeur. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الآن من الفصل. Qui est ce petit enfant qui vient de sortir à l'instant de la classe? قال هو ابن المدير الجديد. C'est le fils du nouveau directeur. لمن تلك السيارة الجميلة. À qui appartient cette belle voiture? قال dans la langue française, tu fais précéder l'adjectif et l'efficatif. La belle voiture. Dans l'arabe, c'est l'axe. Dans l'arabe, c'est l'axe. Tu fais venir le na'at après. Qala hiya lil mudir al jadidi. Elle appartient au nouveau directeur. Liman hadha al kitab al kabir. À qui appartient cet énorme kitab, cet énorme livre? Qala ahwa lil mudarrisi. Il se pose deux questions. Déjà, awalan, à qui appartient ce livre? Donc, liman. Tu vois? Liman, ça veut dire qu'il ne sait pas à qui c'est. Ensuite, il a eu un doute. Il a ramené quoi? Ahwa lil mudarrisi. Appartient-il au professeur? قال لا هو للطالب اللي هو للطالب الجديد. Il appartient au nouveau écolier. On avait vu que A, c'est est-ce que. Mais là, quand il est rentré dans avec هو, il change de sens. Appartient-il? Ça ne veut plus est-ce que. هو للمدرس. Est-ce qu'il appartient? للمدرس. Il n'a pas dit هو المدرس. هو Ahoua l'il mudarrisi. Le lame aussi, c'est la mujar, la lame de la possession. La possession, on l'a prise du lame. Tu as compris? Tu vas comprendre direct. Bi'idhnillah. C'est simple. Chauffe un mot qui commence par elle. Un mot qui commence par elle. Si tu veux lui rajouter dedans, la mutamlik. Le lame tamlé qui viendra ici. Parce que tu veux lui ajouter, donc il faut qu'il précède. T'as ça ferait ça. Li. Celui-là une seconde. Et celui-là une seconde. Ah, mais ça précède. Comment ça? Parce que Ayar chauffe. Al mudarris. T'as Al mudarris. Ça? Si jamais tu m'as waouh. Ici, c'est Hamzat al-Wasl, elle est sakin. Tu la prononces pas, c'est comme si elle y était. Wal mudarrisu. C'est comme si tu ne le prononçais pas. La Hamzat al-Wasl, lorsqu'elle est précédée d'une chose, c'est comme si elle n'existait pas. Tu vois? Elle veut dire alors. Avec le waouh, maintenant. Amma, si jamais tu veux entrer l'âme, À l'écrit, ça fait lourd. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, vu que si jamais elle est précédée d'une chose, c'est comme si jamais on ne la prononçait pas. Wal mudarrisu. Ça? C'est comme si je dis wal directement. Il ou hamzatul wasl, à l'oral, elle n'y est pas. Ils ont dit avec le lam, lam tamlik, si jamais on le laisse, la hamzatul wasl, à l'écrit, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, vu que à l'oral, elle n'est pas prononcée, à l'écrit, ça chamboule, on enlève. Et ça se fait ça. Lil mudarrisi. Tu vois? Lil mudarrisi. C'est-à-dire que c'est ça. Là. Lorsque tu rends l'âme tamlik, tu as même dans elle, tu enlèves le hamzat al-wasl. Tu enlèves. Parce qu'elle est supprimée, comme là dans le cas là. Lil mudarrisi. Lil waladi. Pareil, lil walad. Tu en avais ici. Lillahi mulku samawati wal ard. Lillahi, lafz al-jalala, Allah, alif, deux lames, ensuite la hamz, le ha, sah, Allah. T'as tu veux rentrer le lam, comment il écrit? Lam, lam, ha, sah, lillahi. T'as Allah, si jamais tu veux rentrer lam tamlik dans lafz al-jalala, t'as tu veux rentrer le lam, ça vient comme ça. T'as Li, après là c'est mouchaddad. Lillahi. À la base c'est ça. Et Allah, la shaddad ici. Lillahi mulku samawati wal ard. T'as bien? Donc ça, ici c'est le lam. Huwa lil mudarrisi, appartient-il au professeur? Il dit la, huwa li. Pareil, Rachouf, il a dit, huwa li talibi. La hamza est partie là, elle a sauté. La hamza, je veux dire, la alif là, tamam, elle a sauté. Normalement, c'est alif, lam, sah. Elle est où la alif, elle a sauté. Huwa li talibi, moubachar. Femme-tom, lam tamlik, si tu rentres dans elle, tu fais sauter le alif. La hamza tu l'as fait sauter. Qala la huwa li talibi al-jadidi. أين الملعقة الصغيرة؟ قالوا له petite cuillère. قال تمام إلو مترجم الخبر. نو أين الملعقة الصغيرة؟ الملعقة صغيرة هذا المترجم والخبر. الخبر سيفي. أين؟ يا با في لدن. أين الملعقة الصغيرة؟ سأين. pourquoi؟ répond la question. مثلا هي في الكوب الكوب وفي الكوب الكوب شو يعني بسي كوب كوب نون دي كوب تم تم على درجة بدك كمان مصيفة عبارة الكوب الكوب لا لا أنا أعرف بس كوب الكوب لأنك هنا تقول الكوب الكوب الكوب مش الكوب مش الكوب الكوب La coupe ou l'alem? Ils disent quoi la coupe? La coupe du monde. Coupe ou l'alem, ça? Coupe ou l'alem. Tu vois? C'est ta faute. Si, si, les Yéménites ils disent coupe. Elle coupe, elle coupe. Hâte le coupe. Ils disent pas le coupe. Tu vois? C'est-à-dire, des fois, la derja prend dessus. Gemag. Aïn al-mal'aqatu s-saghiratu? Qala hiya fil koubi. Aïn al-kursiyu al-maksuru? هو هناك لا تجي المبتدا في الكرسي والمكسور سي نعت واين هذا الخبر هو هو هناك donc les choses là qu'ils ont qu'on peut voir là les nouvelles choses tamam la première des choses c'est عنده donc عنده vous pouvez marquer c'est quoi c'est un ظرف مكان وزمان. La deuxième chose qu'on a pu voir, ça vous a écrit à l'oral, c'est que lorsque tu veux connaître le mubtada du khabar dans une phrase interrogative, réponds à la question. Réponds à la question et tu trouveras le mubtada du khabar. Et généralement, les Arabes font précéder l'information à la chose sur laquelle l'information est tombée. Car c'est sur cela, ils font précéder la chose sur laquelle tu t'interroges. Tu t'interroges pas. Maintenant, tu dis Aïna talibul jadidu, tu t'interroges pas sur le fait que c'est un talib jadid, mais où il est. Donc c'est l'information. Où il se trouve, c'est sur ça que l'interrogation tourne. Donc ça c'est un point à remarquer, c'est bien. Tu veux reconnaître le mubtada al-khabar dans une phrase interrogative, tu réponds à la question et tu verras que tu retrouveras le mubtada al-khabar, celui qui l'information et celui qui est informé, ou celui sur la chose sur laquelle la chose tourne, l'information. Ana 'inda al-mudiri. Fi ana. Et parmi les ahkam de barakallahu fikum de 'inda, c'est que h yulazim al-idafa. Lorsque tu te trouves inda, ce qui va suivre derrière, ce sera mudafilé. Donc écrivez-le cela. Pour reconnaître du mubtada wa khabar d'une phrase interrogative. Il faut faire ça et ça. C'est quoi la Ana indi. Inda. Ana inda al-mudiri. Vous suivez? Vous suivez? Yani auprès du professeur, du directeur. Ça c'est Bilal Makan. Je suis à côté de lui. Donc là, yani, tu as exprimé un endroit avec Inda. Tu dis lui déjà à temps par la fenêtre. Al-An. Vas-y, Al-An. Zarfou. Zarfou. Zamanin. Le circonstanciel, c'est pour les circonstances, dans le temps ou dans le lieu. Les choses qui arrivent. C'est un Al-Qur'an, Inch'Allah, on va s'arrêter sur ça. Oui. Et puis l'île, la nam. Hein? L'île. Parce que rendant à l'islam, tu supprimes la. Ça va? Vous voulez l'écrire juste comme ça, après vous, c'est à vous de. Faites la règle. El Moudir, l'île Moudir. Et alors, t'enlèves le. Donc, comme ça, Yuhzaf, Tuhzaf, comme ça, boss. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك مع تحيه دماج.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء اثعابي